me décider. Ce n'est pas l'envie qui me manquait, et pourtant qu'est-il arrivé? Beaucoup d'années sont belles et bien passées, côtoyer des musiciens enragés. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Mes baguettes en neige, orchestrer la marche à suivre, essayant de donner le bon rythme. Pas tous du même bord, jamais vraiment d'accord. Mes baguettes en neige, orchestrer la marche à suivre, essayant de donner le bon rythme. Pas tous du même bord, jamais vraiment d'accord. Tendre l'oreille. Si l'un d'entre nous faisait du zèle, pas très professionnel. Si la vie dans le groupe amène à l'union, c'est trop souvent se taire à donner sa propre opinion. Pas très professionnel. Pas très professionnel. Mes baguettes en neige, orchestrer la marche à suivre, essayant de donner le bon rythme. Pas tous du même bord, jamais vraiment d'accord. Mes baguettes en neige, orchestrer la marche à suivre, essayant de donner le bon rythme. Pas tous du même bord, jamais vraiment d'accord. Et me voilà maintenant parti, pas pour la vie mais c'est l'envie de chanter pour sortir l'ennui qui finissait par me ronger l'esprit.